Je cherche une babysitter. C'est une babysitter anglaise que vous cherchez? J'attends le nouveau stagiaire. C'est le nouveau stagiaire anglais que vous attendez? Je vends ma vieille moto. C'est votre vieille moto anglaise que vous vendez? Je reçois ma jeune correspondante. C'est votre jeune correspondante anglaise que vous recevez? Je cherche une bonne grammaire. C'est une bonne grammaire anglaise que vous cherchez ?